cette famille, cette famille, cette famille, cette famille, cette famille, cette famille, cette famille. Rien de presse, rien de presse. Je dis qu'un jour je vais me repentir. Rien de presse, j'arrête le sale après million, je me tire. Rien de presse, tu n'auras pas ce que tu veux entendre. Rien de presse, mais j'ai quand même pressé la détente. Rien de presse, je dis qu'un jour je vais me repentir. Rien de presse, j'arrête le sale après million, je me tire. Rien de presse, tu n'auras pas ce que tu veux entendre. Rien de presse, mais j'ai quand même pressé la détente. Au calme, le ce que dépressé. Là du haut de gamme, épais tendu comme un crâne tressé. J'suis dans le crash test et c'est trash. Si le DJ scratch ma voix, il se fait nachave. Si j'fais de la maille, j'achète un paf. Tu piges, il faut du cash. J'ai la flemme qui n'a achète une save. J'pète une taf, le shit à couleur sable. Si j'écoute leur fab, c'est pour baiser leur femme. J'ai vu leur sur leur montre. Il est temps de poser mes couilles sur leur table. La douleur monte, avec la peu c'est sur mon table. Mets ça sur mon ardoise. J'suis pas dans les chartes. J'suis à la frontière du Val d'Oise. Dans un bar, joue aux cartes. Mon art c'est le rap, je le connais bien. Je lui ai cassé sa bouche dans un parc, j'étais collégien. Tout va si vite dans ma lenteur, j'en ai conclu qu'il n'y avait pas d'urgence. Le pouvoir c'est l'argent, mais il n'est rien de ce que la nature prend. Je prie pour les miens, pas pour moi-même, faut une arme à feu. J'observe de loin, j'ai grave la haine, faut que j'en parle à Dieu. Si je suis long pour faire les choses, c'est que je veux qu'elles soient bien faites. Y'a de grandes chances que j'explose, c'est pour ça que je me tiens tête. Prendre la hauteur, je repense à mes priorités. Des drôles d'idées, être en suspens et prendre le temps pour les terroriser. Rien qui presse, pile au beau fixe. J'attends que ma philosophie tire au profit. Les vignes tire au copier, le vice tire au sommet. Y'a pas le feu au lac, il est sur moi, j'ai trop attendu. Un coup de poker, tu prends mes cartes, c'est ce que le travail m'a rendu. Rien de presse, je dis qu'un jour je vais me repentir. Rien de presse, j'arrête le sale après million, je me tire. Rien de presse, tu n'auras pas ce que tu veux entendre. Rien mais je reste, mais j'ai quand même pressé la détente. Rien me presse, je me dis qu'un jour je vais me repentir. Rien de presse, j'arrête le sale après million, je me tire. Rien de presse, tu n'auras pas ce que tu veux entendre. Rien de presse, mais j'ai quand même pressé la détente. Rien ne sert de courir, tu connais la chambre pas. J'prends mon temps avec le temps avant qu'il s'en aille sans moi. Toute chose a son importance à tout prix dans ce que j'entreprends. J'place mes trépieds, j'vais te triper, non ne t'approche pas trop près. J'm'en bats les couilles des rappeurs, ils se font gratter par leur label. Leur liche le boule pour une vieille bouteille de William Peel ou Label. Veulent des clips avec des grosses putes qu'ils ont du mal à fourrer. Des gamos qu'ils savent pas conduire, des textes d'adolescents bourrés. S'asseoir sur le trône c'est être adulé par toutes sortes de salopes. Et si ça marche pas, j'monte sur un coup ou sur un cheval qui galope. J'suis un producteur, réalisateur, jeune entrepreneur. Rien à foutre de vos playlists merdiques poussées entre deux fleurs. J'fais mon truc et j'le fais bien, personne me dira le contraire. L'usine la sec, c'est pas vos petits beats qui m'appelle mon frère. On a un pied dans cette merde, on avance à petite enjambée. Bel et qu'on est juste derrière des nuques, faut finir ensanglant. Un jour j'arrêterai comme si on n'allait jamais s'essouffler. Ils veulent m'étouffer, j'ai quelques défaites, j'ai quelques trophées. J'esquive les crochets mais j'aimerais bien aider mon prochain. Suce le projet, 10 de diamant, faut que j'en décroche un. Souvent de mauvaise humeur, le rouge et noir, ma vision, ma couleur. J'attends aucune clémence, aucune faveur de ces chats en chaleur. J'veux plus d'enveloppe que le facteur, n'enlève jamais la proie du prédateur. Faut tuer pour manger, demande au créateur. J'essaie de marcher pour être droit. Je me sens bien quand je suis à l'étroit. Viens visiter cheval de Troie. Je baisse la reine, je tue le roi. Moi je suis l'étincelle qui fait flamber l'essence. On connaît la sentence. Un jeune qui meurt dans nos quartiers, c'est le premier coup qui danse. Je me dis qu'un jour je vais me repentir. Rien de presse, j'arrête le sale après million, je me tire. Rien de presse, tu n'auras pas ce que tu veux entendre. Rien de presse, mais j'ai quand même pressé la détente. Rien de presse, je me dis qu'un jour je vais me repentir. Rien de presse, j'arrête le sale après million, je me tire. Rien de presse, tu n'auras pas ce que tu veux entendre.